pendant 2 siècles, 17e, 18e siècle, il y avait eu une sorte de, on avait vu, de simplification progressive de l'orthographe, notamment avec l'action des imprimeurs qui avaient rapproché l'orthographe de la prononciation, on avait vu ça, les accents, etc. Et tout ceci avait abouti à une sorte de nouvelle codification de l'orthographe telle qu'on peut la retrouver au début du 19e siècle, en 1835, dans la 6e édition du Dictionnaire de l'Académie, dont je reprécise hein, qu'elle n'a rien inventé, si vous voulez, mais qu'elle prend acte de ces simplifications, qu'elle les enterrit. Et l'idée toute simple à laquelle on était arrivé, c'est-à-dire c'est qu'en gros, finalement, à part des points de détail, depuis cette époque-là, depuis 1835, l'orthographe du français, elle n'a pas bougé. Voilà, ça fait presque 2 siècles dans lesquels la forme écrite des mots n'a pas changé. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Et je vous avais en fin de cours posé un certain nombre de questions et tout. Vous aviez déjà un petit peu une partie de la réponse. Ce que je vais faire aujourd'hui juste, c'est que je vais préciser cette réponse. Et la question, elle est donc la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le courant du 19e siècle qui a produit, qui a amené cette sorte progressivement d'immobilisme de l'orthographe? Bon. Alors, il y a une chose essentielle à prendre en compte, c'est une date, la date qui a la plus d'importance du point de vue de l'histoire, c'est 1833, avec ce qu'on appelle les lois Guizot, écrit Guizot. Les lois Guizot, Guizot, c'est le nom de celui qui était à cette époque-là ministre de l'instruction publique. L'instruction publique, c'est en gros, c'est l'ancien nom, instruction publique de l'éducation nationale. On disait instruction publique. Alors, cette loi Guizot, elle va avoir énormément d'importance sociale, politique, et puis pour ce qui nous intéresse, linguistique au cours du 19e siècle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Guizot? Concrètement, elle dit que désormais, chaque commune de plus de 500 habitants doit avoir, le terme qu'on emploie à l'époque, dans la loi, il y a « est tenu d'entretenir », mais ça veut dire de payer, quoi, doit avoir une école primaire et un instituteur. Une école primaire et un instituteur. Alors, je précise encore, je l'avais dit la dernière fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des écoles, il y avait des écoles de jésuites, par exemple, etc. Bon, mais à partir de ce moment-là, elles vont se multiplier, puisque, en gros, va y avoir des écoles sur tout le territoire, puisqu'à partir du moment où on a une école des 500 habitants, si vous voulez, voilà, ça veut dire que les écoles vont se multiplier. Je précise aussi que ça n'est pas encore l'école obligatoire, mais ça va avoir de grosses conséquences. Alors, je précise un peu comment est-ce que va fonctionner l'école au début du 19e siècle. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a deux disciplines qui vont faire à ce moment-là, avec l'école Guizot, leur apparition. Deux trucs, si vous voulez, deux matières qui n'étaient absolument pas enseignées jusque-là. La première matière, j'en parle rapidement, même si évidemment je ne vais pas développer, ce n'est pas l'intérêt pour nous, mais c'est juste pour vous y une sorte de vision d'ensemble du paysage. La première matière, c'est ce qu'on appelle, je reprends l'expression de l'époque, le système légal des poids et des mesures. Le système légal des poids et des mesures. On disait aussi la métrologie. La métrologie, c'est quoi? C'est une nouvelle discipline qui est apparue à la faveur de la Révolution française. Parce que c'est à la Révolution française qu'on a commencé à parler des poids et des kilos, des mètres, etc. Il y a des nouvelles unités de mesure, si vous voulez, qui sont apparues à ce moment-là. Donc, ça, je laisse de côté, ça ne nous concerne pas directement. Et ce qui nous concerne directement, c'est la deuxième discipline dont je vais vous donner l'intitulé de l'époque. On parlait à ce moment-là des éléments de la langue française. Les éléments de la langue française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les éléments de la langue française? Nous, en gros, si vous voulez, si j'essaie de reformuler ça, avec le vocabulaire que nous on connaît dans notre manière de penser, on se dit, ouais, grosso modo, les éléments de la langue française, ça veut dire le français. En gros, c'est ce qu'on connaît, voilà, c'est l'apparition du français tel que vous le connaissez, tel que vous l'avez appris, etc. Mais pas exactement, en fait. Pas exactement, c'est plus réduit, les éléments de la langue française, que ce que nous, on appelle le français. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tout au long du 19e siècle, on n'étudiera pas vraiment les textes. Il n'y a pas vraiment d'études de textes, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'études de la littérature, ce n'est pas ça qu'on apprend à l'école primaire. Il n'y a pas vraiment d'études de la littérature, il n'y a pas non plus de récitation de la poésie, voilà des exercices que vous connaissez, il n'y a pas de récitation de la poésie. Tout ça, c'est des choses qui apparaîtront plus tardivement et qui apparaîtront notamment à partir des années 1880. 1880, il ne faut pas confondre, parce que les années 1880, ce seront les années de l'école de Jules Ferry, les lois Jules Ferry. Les lois Jules Ferry, où l'école va devenir gratuite, laïque et obligatoire. Donc, ça, c'est les années 1800, le début des années 1880. On n'en est pas encore là. Pas de littérature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les éléments de la langue française, ça veut dire, à cette époque-là, essentiellement l'orthographe. Mais, et là c'est quelque chose que j'ai déjà dit, que je redis parce que c'est quelque chose qui est important, c'est l'orthographe active. C'est-à-dire que, et ça c'est complètement nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'ici, si vous voulez, c'est pas juste déchiffrer les textes, c'est pas juste apprendre aux gens à savoir lire, en fait, tout simplement, à comprendre ce qu'il y a écrit, mais c'est écrire conformément à une norme, savoir écrire conformément à une norme. Voilà pourquoi on dit actif, parce qu'on se place du point de vue de l'écriture. Donc, pour récapituler, parce qu'il va y avoir plusieurs éléments, deux nouvelles écoles primaires, une nouvelle discipline avec les éléments de la langue française, c'est-à-dire l'orthographe active, et puis, autre chose essentielle, et on en a déjà un peu parlé la dernière fois, mais je vais préciser les choses. Cet enseignement de l'orthographe active, il va se faire autour d'un exercice qui va devenir l'exercice phare, l'exercice symbole de l'école, etc. Au point qu'en gros, on va identifier l'école à cet exercice. Vous avez compris que je veux parler de la dictée. C'est à ce moment-là et pas avant que la dictée apparaît. Alors, il faut essayer là aussi de préciser un peu les choses et les préciser presque d'un point de vue matériel pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la dictée a eu une telle importance à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il y avait de véritablement nouveau ? Quelles étaient les conditions concrètes de la dictée à l'époque, dès les années 1830 ? Bon, on peut dire que, pour présenter les choses, c'est ce qu'on appelle la dictée à l'ancienne. Alors, comment est-ce que ça se passait ? Alors, pour qu'il y ait dictée, il faut évidemment, première chose, qu'il y ait un texte qui soit dicté par un professeur. Et puis à partir de là, il y a plusieurs possibilités, ou il y avait plusieurs possibilités. Première possibilité qui est apparue à cette époque, c'est l'utilisation de ce qu'on appelait, ou ce que les textes de l'époque appelaient même, un élève relais. Alors c'est quoi un élève relais ? Imaginez que je vous fasse la dictée ici, qu'il y en ait un ou une parmi vous qui soit super bon, super bonne en orthographe, c'est quelqu'un qui va répéter pour les autres. C'est-à-dire, moi, je fais la dictée, blabla, le soleil se lève, etc. Les oiseaux chantent, et puis vous avez le bon élève relais, celui qui sait l'orthographe, qui va répéter à voix haute en épelant bien pour les autres, du type les oiseaux chantent dans le ciel, etc. Vous voyez, donc l'élève relais, c'est celui qui va décomposer pour les autres, en détachant bien les syllabes, etc. Et puis, deuxième méthode, le professeur ou l'élève relais écrit au tableau noir. Et alors là, c'est essentiel parce que d'un point de vue quasiment, si vous voulez, il faut voir les choses presque d'un point de vue publicitaire, là aussi, c'est complètement une nouveauté, c'est l'entrée du tableau noir à l'école. C'est quelque chose qui n'existait pas précédemment. On enseigne avec ça et la dictée va être une des premières grandes utilisations du tableau noir. Autre nouveauté, c'est le premier exercice collectif qui est pratiqué à l'école. C'est le premier exercice qui est pratiqué en groupe. Donc, voilà, vous savez ce que c'est qu'une dictée. Je ne sais pas quels sont vos souvenirs par rapport à ça, mais il faut imaginer en quelque sorte comment cet exercice va être de plus en plus ritualisé d'une certaine manière. Vous voyez, il y a tous les objets d'une sorte de rite. Le professeur, le texte à voix haute, le tableau, etc., éventuellement élève relais. C'est-à-dire que c'est un exercice qui va être pourvu d'une certaine forme, disons, de tension, de solennité, exactement comme une forme de rite scolaire. C'est un exercice qui va être sacralisé, au point, comme je vous l'ai dit, que l'école primaire en tout cas, va être identifiée à la dictée. Quand vous dites qu'ils écrivent au tableau noir, Ouais. après c'est plus une dictée s'ils l'écrivent. Si, si, ça peut être une dictée, c'est-à-dire que ça peut être une dictée parce que, d'abord, première chose, ça peut fonctionner dans un premier temps uniquement par, alors c'est vrai que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la dictée, mais par imprégnation, c'est-à-dire que, vous voyez, même si la classe en quelque sorte fonctionne, qui copie, fonctionne par mimétisme, si vous voulez, l'idée, c'est qu'elle va s'habituer en transcrivant la bonne orthographe. Vous voyez, c'est qu'elle va s'habituer en transcrivant la bonne orthographe, finalement, à l'intérioriser. Bon, première chose. Deuxième chose, le bon élève relais, malgré tout, il peut faire des fautes. Donc, on va pouvoir aussi déterminer la capacité des autres à rectifier s'ils s'aperçoivent que l'élève relais a fait, puisqu'il n'est pas infaillible, à rectifier. Vous voyez, voilà. Donc d'abord, c'est un truc de début d'acquisition, et puis ensuite, c'est qu'une méthode partielle. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement avec quelqu'un qui copie à l'orthographe. C'est une des possibilités. Et de toute manière, le tableau va rester lorsque l'enseignant va lui donner la bonne réponse. Bah, il peut tout simplement lui-même écrire le texte. Vous voyez, donc voilà. Après, si vous voulez, il n'y a pas qu'une modalité de l'exercice, mais ce qui est sûr, c'est que cet exercice, il s'agence autour d'un certain nombre d'éléments dans le tableau noir. C'est plus clair? Alors, je reste sur la dictée. Je reste sur la dictée et sur cette question de l'orthographe. Dictée et orthographe active pour faire un certain nombre de remarques sur tout cet exercice. Première remarque, ce qui est assez surprenant, qu'on peut découvrir un peu quand on regarde un peu certains bouquins d'histoire de la langue, ce qui est assez surprenant, c'est que la dictée va avoir même un effet sur l'évolution de la langue. La dictée va avoir un effet sur l'évolution de la langue, pas sur nécessairement sur l'évolution de l'écrit, pas sur l'évolution de l'orthographe, mais même sur la prononciation. Je vais essayer de vous prendre deux expressions que vous connaissez comme les États-Unis ou un pied-à-terre. États-Unis et pied-à-terre, je prononce un peu lourdement pour vous faire ressentir comment est-ce qu'on prononce, quelle est pour nous la prononciation normale. Pour nous, la prononciation normale, c'est de faire la liaison. Et la liaison avec le S, États-Unis. Je fais la liaison avec le pied, je ne dis pas un pied à terre, je dis un pied à terre. Bon, ça nous paraît être la prononciation normale, c'est celle qu'on apprend, etc. Il faut voir en fait que jusque à la première moitié du 19e siècle, ce n'était pas la prononciation normale. On prononçait la prononciation normale, courante, pas du tout si vous voulez sanctionner, etc. C'était de dire les États-Unis, un pied à terre. Les États-Unis, un pied à terre. Pourquoi est-ce qu'on prononçait comme ça dans la prononciation courante? On prononçait comme ça parce qu'en français, il y a une certaine forme de logique, si vous voulez, parce qu'en français, normalement, la consonne finale, on ne la prononce pas. Donc, elle reste muette. Donc, on prononçait comme ça. Alors, il existait un autre type de prononciation, mais qu'on réservait à des moments un peu particuliers, un peu solennels, justement. Alors, qu'est-ce que ça peut être, hein, un moment un peu solennel? Ça peut être les discours qu'on peut prononcer. Alors, voilà, un discours officiel, par exemple. Ça peut être le discours d'un avocat. discours officiel, le discours d'un avocat, ça peut être une sorte d'hommage à un mort, etc. Dans ces cas-là, on considérait qu'il y avait une prononciation particulière à avoir et que dans ces cas-là, il y avait ce qu'on appelait ce qu'on appelle un discours d'apparat, si vous voulez, et que donc dans un discours d'apparat, on était censé avoir une prononciation qui change de la prononciation de tous les jours, etc. Voilà. Donc, on faisait la distinction entre deux types de prononciation, prononciation courante et prononciation d'apparat. Et puis, qu'est-ce qui se passe courant du 19e siècle? Et là, si vous voulez, ce n'est pas un truc qu'on invente, on a des témoignages là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a des gens qui font, même dans des articles de journaux, par exemple, des choses comme ça, qui se moquent d'une évolution générale de la prononciation. Et par exemple, j'avais relevé dans une phrase d'un article de journal du 19e siècle, quelqu'un qui dit « c'est devenu insupportable, n'importe quel garçon de café, lorsqu'il vous parle, maintenant, va vous dire un pied à terre, les États-Unis, etc. » Alors, je laisse de côté le fait qu'évidemment, la phrase, elle est très élitiste, si vous voulez, dans le sens où elle se moque de la prononciation des garçons de café qui, en gros, affecterait une sorte de prononciation du grand monde, etc. Bon, voilà. Oui, d'apparat, discours d'apparat, c'est-à-dire l'apparat, c'est ce qui est de l'ordre du décoratif qui comporte une certaine forme de noblesse. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que progressivement, au cours du 19e siècle, le discours d'apparat, la prononciation d'apparat, va devenir la prononciation normale. On ne va plus faire la différence entre prononciation de tous les jours et prononciation d'événements particuliers ou voilà, prononciation liée à des professions particulières. Alors, quel est le rapport de ce que je suis en train de vous raconter là, un peu péniblement avec le reste du cours? Le rapport, c'est que tout ça, c'est à cause de la dictée. Tout ça, c'est à cause de la dictée parce que, à force de prononcer, par exemple, les consonnes finales, de faire les liaisons, de dire les États-Unis, un pied à terre, pour que les écoliers puissent comprendre comment est-ce que ça s'écrit, ben ça va finir par influer sur la prononciation générale et courante. C'est-à-dire que cette prononciation propre à la dictée va influer sur la prononciation générale. Voilà pourquoi, en gros, hein, s'il n'y avait pas eu la dictée, on dirait tous, sans doute aujourd'hui, les États-Unis. Donc là, vous avez un exemple qui est quand même étonnant du rapport entre l'écrit et l'oral. Je reviens à des choses qu'on a déjà vues, sur lesquelles il ne faut pas avoir une vision schématique ou superficielle. On aurait tendance à penser, c'est logique, comme l'écrit est censé transcrire l'oral, bah, c'est l'oral qui influence l'écrit. En fait, on a ici exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'écrit, ou en gros, alors pas l'écrit juste, mais une technique d'acquisition de l'écrit qui va influencer la manière de parler de tout le monde. Voilà pour cette première remarque. Je reste sur la dictée. Deuxième remarque, l'exercice de la dictée va devenir, au fil du 19e siècle, l'exercice de la dictée va devenir l'exercice central de l'école primaire. Ça va devenir l'exercice beaucoup le plus pratiqué et de loin à l'école primaire, avec, on peut dire, une spécialisation croissante. Une spécialisation croissante, il faut bien imaginer qu'en 1833, c'était encore assez nouveau, mais le degré de difficulté de la dictée va devenir de plus en plus fort. Les exigences de l'instituteur, les exigences de l'instituteur vont devenir de plus en plus fortes et il y a même, en gros, toute une sorte de marché commercial de la dictée qui va se créer au 19e siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un marché commercial de la dictée? Là, je ne parle pas du marché qui pourrait être celui des tableaux noirs et des craies, etc. Ce n'est pas ça. Le marché commercial de la dictée, c'est la floraison, la véritable floraison de manuels d'orthographe. Là aussi, hein, c'était quelque chose qui était relativement rare avant. Ça existait, On en a vu des manuels d'orthographe, par exemple, dès le XVIe siècle, mais c'était assez rare. Et puis, ces manuels d'orthographe, ils n'étaient pas calculés, ils n'étaient pas écrits pour l'école. Ils étaient écrits, en gros, pour l'honnête homme, voilà, celui qui s'intéresse à l'orthographe, qui peut s'intéresser à l'orthographe comme il s'intéresse à la chimie ou à l'équitation, si vous voulez. Bon, ça pouvait faire partie du bagage culturel. Là, on a vraiment un marché qui se crée, qui est directement lié à l'institution scolaire. Alors, si vous voulez ce qui le prouve, je vais juste vous donner un chiffre, qui est un chiffre qui a une valeur purement indicative, mais qui est quand même assez impressionnant. C'est que des spécialistes de cette question ont fait le compte, ont regardé dans tout ce qui se publiait combien il y avait eu exactement de manuels d'orthographe. Ils ont cherché entre 1800 et 1914, donc un peu plus d'un siècle, et dans cette période-là, il y a eu 2037 manuels d'orthographe différents qui sont parus. 2037 manuels d'orthographe différents qui s'adressent tous donc aux mêmes écoliers de l'école primaire. Donc vous voyez, la dictée, elle se favorise aussi à la faveur d'intérêts qui sont des intérêts commerciaux. C'est là où il faut, à mon avis, jamais trop séparer absolument la chose intellectuelle de la chose matérielle. On avait vu ça lorsqu'il avait été question des copistes, des ateliers de copistes et de leur succès, etc. Bon, voilà, là aussi, ça correspond à un succès qui est un succès et à des intérêts qui sont des intérêts commerciaux. Il faut voir que il y a eu une sorte de raffinement progressif sur les règles d'orthographe qui n'a pas répondu qu'à des préoccupations intellectuelles. Si vous voulez, c'est que, vous savez bien, on rajoute une nouvelle règle où on rajoute une exception à la règle, etc., ben ça va permettre de faire une réédition, une version augmentée, une version un peu différente, etc., etc. Donc, on ne se situe pas du tout, si vous voulez, dans un simple amour de l'art pour l'art, là, ici. Autre remarque qui concerne l'instituteur. À partir du moment où la dictée devient l'exercice central de l'école, ça veut dire que les exigences vont devenir de plus en plus fortes aussi pour l'instituteur, qu'on appelait le maître d'école, c'est-à-dire que le maître d'école va être recruté en fonction de ses compétences en orthographe. Et on va même arriver à certaines formes d'excès, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on regarde, et c'est un truc assez intéressant, quand on regarde l'histoire de l'enseignement, comment est-ce qu'on recrute les enseignants? Dans les années 1870, pour le recrutement des maîtres d'école, l'épreuve d'orthographe devient quasiment l'épreuve unique. On demande quasiment uniquement au maître d'école de maîtriser l'orthographe et c'est tout. Mais donc, à partir du moment où, vous voyez, où on lui demande que ça, ça veut dire que sa maîtrise doit être très, très, sa compétence doit être très, très forte. Alors, tout ceci concerne l'orthographe, concerne l'école, concerne l'instituteur, etc. Mais remarque suivante, ce qu'il faut voir, c'est que ça va se diffuser au-delà de l'école. Au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'on va connaître, c'est une expression que des historiens ont pu employer, une sorte d'empire de l'orthographe qui va toucher d'autres parties de la société, d'autres professions. Par exemple, pour n'importe quel, progressivement au cours du 17e, au 19e siècle, pour n'importe quel examen dans la fonction publique, on demande une connaissance de l'orthographe très poussée. Vous voyez, n'importe quel examen pour devenir, par exemple, voilà, j'ai pas pensé à le mettre dans le livret, mais par exemple pour devenir postier, il y a des examens d'orthographe qui sont des examens d'orthographe ultra difficiles. Autre exemple qui concerne cette fois-ci qui concerne d'autres professions, mais qui est intéressant parce qu'il concerne véritablement l'espace public, l'espace de la ville, l'espace urbain. Je vais essayer de vous montrer un texte. Donc, il s'agit d'une circulaire. Il s'agit d'une circulaire qui, comme vous le voyez, date de 1846. Circulaire de 1846, donc j'ai mis juste une petite introduction. Le 28 septembre 1846, le préfet de police de Le Serre adresse au commissaire parisien la circulaire suivante. Donc je lis la circulaire. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il existe des fautes d'orthographe sur bien des enseignes exposées au regard public par le commerce de Paris. Ce fait ne constitue à coup sûr ni délit ni contravention. Mais vous comprendrez avec moi que dans une capitale civilisée comme la nôtre, il est fâcheux de voir la langue française publiquement maltraitée jusque dans les quartiers les plus brillants et les plus fréquentés par les étrangers. Je vous prie en conséquence de jeter un coup d'œil sur toutes les enseignes de votre quartier à l'effet de reconnaître celles dont l'orthographe est vicieuse, c'est-à-dire fautive, et d'engager les propriétaires de ces enseignes à les faire rectifier. Alors, ce texte, il marque véritablement, comme je le disais tout à l'heure, l'extension de l'empire de l'orthographe et une sorte de changement dans les mentalités. Bon, si vous voulez, c'est un texte véritablement, c'est une circulaire qui n'aurait jamais pu, il n'y aurait eu aucun sens à la formuler un siècle plus tôt. C'est vraiment, si vous voulez, on est en 1846, donc on est à peu près plus d'une dizaine d'années après, après la loi Guizot, et ce n'est pas un hasard, il y a une répercussion de l'un à l'autre. Pour faire une ou deux remarques sur cette circulaire, bon, il faut quand même remarquer, pour garder la nuance, pour ne pas caricaturer, c'est que cette circulaire, elle n'est pas, comme on dit, punitive. Elle n'est pas punitive, c'est-à-dire que pour les fautes d'orthographe sur les devantures des commerces, le préfet de police ne prévoit, il le dit lui-même, il ne prévoit aucune peine. Il le dit, ce n'est ni un délit, ni une contravention qu'on doit donner à ces fautes d'orthographe. Donc, pas de peine, néanmoins, engager les propriétaires de ces enseignes à les faire rectifier. Engager les propriétaires de ces enseignes à les faire rectifier, c'est ce qu'il dit dans la fin du texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est de les faire rectifier dans un contexte précis. Ce contexte précis, c'est quoi ? C'est Paris, c'est, je reprends une expression de la circulaire, le regard public, et je reprends une autre expression importante de la circulaire, c'est ce qu'il appelle les quartiers les plus brillants et les plus fréquentés par les étrangers. Les quartiers les plus brillants et les plus fréquentés par les étrangers. C'est-à-dire qu'en gros, l'orthographe prend un peu une valeur de façade, si vous voulez. D'une certaine manière, l'orthographe, ça devient un peu la façade de la France, ça devient un petit peu ce qu'on montre, ce sur quoi il ne faut pas qu'il y ait de faute. En gros, c'est le moment, et c'est vraiment intéressant du point de vue des mentalités, du point de vue de l'imaginaire, c'est le moment où l'orthographe devient une partie du patrimoine. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'on appelle le patrimoine ? C'est ce qui est constitutif d'une identité, ce qui est constitutif d'une identité qu'on devrait donc préserver. Donc, de la même manière qu'on ne doit pas montrer des façades moches ou abîmées pour les bâtiments, pour les sculptures, etc., on ne doit pas montrer des enseignes avec des fautes d'orthographe. Ça devient l'orthographe, le signe même d'une capitale, et là je reprends un des termes du texte, d'une capitale civilisée comme la nôtre. C'est ce qui est écrit dans le texte. Donc vous voyez, on retrouve, alors avec ce terme de civilisé, on retrouve quelque chose qu'on a déjà aperçu à d'autres moments du cours, c'est-à-dire quand on commence à prêter une valeur presque politique, si vous voulez, un élément linguistique, en tout cas une valeur qui est censé signaler la grandeur d'une civilisation. Ce n'est pas complètement nouveau, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà aperçu pour le XVIIe siècle. Vous vous en rappelez, le passage à la langue classique, on en avait parlé dans Le Devoir encore, le complexe de supériorité du français qui pense que sa langue est à la mesure d'une civilisation raffinée, délicate, élégante, etc. Mais ça, ça ne concernait pas l'orthographe, je vous avais dit, ça concernait l'oral, ça concernait la conversation d'un milieu social, etc. Voilà. Mais pas l'orthographe. La nouveauté au XIXe siècle, c'est que ça concerne l'orthographe et qu'on demande à ce que ce soit partagé par tous. Vous voyez, c'est là où l'école joue un rôle essentiel, c'est que cette sorte d'idéal, il se diffuse et on demande à ce qu'il soit partagé par tous. C'est cette volonté d'uniformiser la langue à ce niveau-là, c'est aussi lié au nationalisme naissant, non ? Ouais, je vais y revenir après, si vous voulez, c'est-à-dire, quand vous voulez dire le nationalisme récent, c'est-à-dire, vous voulez dire fin 19... Ouais, voilà, ce qui est avec les problématiques par rapport à l'Allemagne et tout, des choses comme ça, où la langue fait la nation. La France, au début, on avait un peu la même vision des choses. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait juste, si vous voulez, et je vais y revenir juste après, si vous voulez. Là, pour l'instant, en gros, je me suis concentré sur la description linguistique du phénomène, okay. Mais on va maintenant, ensuite, très vite, en venir aux questions historiques. Et en gros, c'est toujours c'est toujours la même question, enfin, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les problèmes de langue ne sont jamais purement des problèmes de langue et viennent très, très souvent, je ne dis pas systématiquement, mais les évolutions, les changements de mentalité viennent souvent d'une situation politique très, très précise. Et là, vous avez raison, c'est ce nationalisme-là, ce sentiment vraiment de la nation qui va avoir des répercussions sur la langue. Et il y a aussi le fait que ce soit à Paris, ça va aussi de pair avec la volonté de remettre en lumière la capitale, de faire de Paris le centre de la France. On est à 1846, c'est à quelques années des rénovations haussmanniennes. Ça va de pair avec cette volonté de recentrer la nation autour d'une capitale forte qui a une image européenne, avec l'idée des étrangers justement qui visitent Paris et qui voient la langue. La langue va de pair avec ça, du coup, non ? Là, franchement, je ne peux pas dire mieux que ce que vous, que ce que vous dites. Oui, c'est tout à fait juste. Okay. Effectivement. Ça tient aussi à une espèce de quasiment presque de mise en scène du caractère centralisateur de Paris. En fait, vous voyez, il faut voir presque ça. C'est une sorte de théâtre. C'est une sorte de théâtre. Et dans ce théâtre, il va falloir multiplier les signes. Donc, les signes de pouvoir, les signes de grandeur. Et là où ce que vous dites est intéressant aussi, c'est que le lieu du théâtre se déplace. C'est-à-dire que, par exemple, au XVIIe siècle, le lieu du théâtre, il est un petit peu Paris, mais finalement, à l'échelle du roi, etc., ce sera davantage Versailles. Vous voyez ce que, c'est-à-dire que Versailles est vraiment le lieu de l'élite, là où on peut considérer que Paris, c'est encore un endroit qu'on laisse aux mains du peuple, quoi, en fait, et qui est donc d'une moins grande importance. Bon, et l'analogie que vous faites avec Haussmann, elle est très, très juste, si vous voulez. C'est-à-dire que ça reprend, c'est un équivalent de l'analogie que j'avais faite pour Versailles, quand je vous avais dit, Versailles, si on regarde comment c'est fait, c'est caractéristique du classicisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision synthétique, il faut qu'on ait des lignes droites, etc. Bon, voilà une impression d'harmonie. Maintenant, si on reprend votre analogie sur Haussmann, que va faire Haussmann ? Il va faire une sorte d'épuration de la capitale, en fait, puisque le principe un des principes de la rénovation haussmannienne, ça va être de rénover, de faire des grandes avenues, d'enlever certaines choses qui sont considérées comme des cloaques ou des lieux de contestation, etc. Vous voyez, donc effectivement, ça veut dire mettre en scène une sorte de nouvelle grandeur de la capitale parisienne. Ce qui est paradoxal aussi dans cette mise en scène, c'est qu'on est en plein niveau littéraire, on est en plein siècle du réalisme, du naturalisme, et du coup, des mouvements littéraires qui veulent vraiment montrer tous les pans de la société. Donc, enfin, la citation, je ne me souviens plus de qui c'est, toute la citation, mais montrer également la fange des bourbiers de la route. Et du coup, c'est paradoxal parce qu'on veut mettre Paris en scène et en faire un centre, notamment à travers la langue, un centre qui brille pour l'Europe. Et en même temps, dans la littérature, on a cette volonté de montrer la misère finalement, ce qu'on ne faisait pas avant, quoi. Donc on a cette Oui. volonté de tout montrer. Est-ce que les élites et le gouvernement voient cette volonté et du coup veulent éradiquer cette misère, ou est-ce que c'est totalement juste des corrélations et que ça n'a pas de lien, quoi? Ben si, en fait, enfin, en tout cas, c'est juste aussi, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, comme vous le soulignez, il y a véritablement une sorte de disjonction qui se fait, mais qui se fait notamment après la Révolution, entre d'un côté ce que fait la littérature et d'un autre côté ce que va faire l'Église, la linguistique, tous les travaux sur l'orthographe, etc. Exactement comme vous l'avez dit, en fait, le point de bascule, si vous voulez, c'est quand même le moment de la Révolution française, parce qu'avec le moment de la Révolution française, va y avoir aussi une sorte de prise de conscience de la diversité linguistique. C'est-à-dire que l'idée que qu'il n'existe pas qu'un seul français, qu'il y a des Français qui sont des Français de classe, de profession, de région, etc. Bon. Et ce que certains spécialistes ont montré très très bien, c'est que, comme vous l'avez dit, le 19e siècle, en littérature, va être l'exploration de ça. C'est-à-dire que le 19e siècle va être l'exploration des différentes formes de parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que très très techniquement, au 19e siècle, il y a de plus en plus de discours rapportés dans les romans. C'est quelque chose qui n'existait pas tant que ça, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on regarde techniquement, à partir du 19e siècle, et même du début du 19e siècle, parce que la grosse rupture par rapport à ça, c'est vraiment Hugo, qui d'une certaine manière, a une pensée anticlassique par rapport à ça. Et donc, Hugo, voilà, les choses que vous connaissez, Les Misérables, etc. Dans Les Misérables, il y a un très long, je ne sais même plus si c'est un chapitre ou plusieurs chapitres sur l'argot, où Hugo se met à parler de l'argot de manière, vous voyez, de manière fascinée. Juste une chose, hein, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au début du fin 18, enfin, les années pré-révolutionnaires, début 19e, le parler populaire n'apparaît jamais dans la littérature. Il n'apparaît pas dans la littérature, ou il apparaît d'une manière ultra stylisée, comme par exemple quand il y a des paysans chez Molière, etc. Enfin, voilà, mais c'est quand même assez loin de la réalité. Bon. Au 19e, vous avez une rupture par rapport à ça, et ça va continuer, puisqu'après, ça va être, après le romantisme, le réalisme, le naturalisme, et effectivement, une grande part, entre guillemets, du boulot de Balzac, de Flaubert, de Zola, etc., ça va être de faire rentrer tous les langages, en gros, de montrer une sorte de nouvelle tour de Babel. En fait, vous voyez, en gros, c'est l'éclatement du mythe du français classique. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'idée, l'Académie française, c'est le langage commun, et bien c'est montrer que ce langage commun, c'est une fiction. En fait, voilà. Bon. Donc, ça, en gros, c'est un premier fil. Mais à côté de cet autre fil, il y a justement le fil. Des travaux sur la langue, etc., qui en gros est un fil beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus prudent, beaucoup plus normatif, hein, beaucoup plus prudent, beaucoup plus normatif, beaucoup plus presque réactionnaire, qui veut toujours imposer une idée de la langue, et même qui va l'imposer de plus en plus, et même de l'imposer de manière de plus en plus stricte, en fait, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas de jonction entre les deux. En fait, il y a vraiment deux circuits qui s'éloignent de plus en plus, alors que jusque-là, la grammaire avait justement essayé, avant le 19e, avait essayé de prendre beaucoup plus acte de la diversité des langages. Mais à partir du moment où la grammaire passe du côté de l'école, voyez, forcément, ça devient plus la recherche d'une forme d'orthodoxie, de normes. Mais je dis ça, hein, si vous voulez, c'est pas pour faire une critique qui serait une critique assez facile. C'est assez normal qu'on ait essayé de d'inculquer des éléments de la langue au plus grand nombre, etc. Mais il est certain que ça a été fait parfois avec une certaine forme de rigidité. Sur ces deux fils-là, il y a un nom, j'y pensais en vous répondant, sur la question que vous me posez, c'est-à-dire sur le 19e, sur le fait que le 19e montre une sorte de vraiment d'éloignement de la littérature par rapport au reste. Il y a des super bouquins qui sont des bouquins, je vais chercher la référence rapidement, d'un critique qui s'appelle, et puis c'est vraiment bien, qui s'appelle Philippe Dufour, qui a écrit un livre qui est remarquable, qui s'appelle « La pensée romanesque du langage ». La pensée romanesque du langage, et si vous voulez, ce titre dit déjà un peu sa thèse, l'idée de Philippe Dufour, c'est que justement, au XIXe siècle, c'est les romans qui ont pensé intelligemment le langage, qui ont vraiment essayé de penser la diversité des langues, le langage en prise avec la société, etc. Donc, il existe une véritable exploration du langage, mais qu'au 19e, elle se situe davantage d'un point de vue romanesque, là où du côté linguistique, on a surtout essayé de raffiner les règles. Je conclue juste sur tout ce qu'on a dit d'un point de vue linguistique, sur l'orthographe au 19e, etc. En gros, pour le dire très très simplement d'une formule, au 19e siècle, l'orthographe est devenu un signe de classe. Un signe de classe, c'est-à-dire, je le dis, hein, c'est pas au sens de j'ai la classe, etc., mais c'est devenu un signe de classe sociale, c'est devenu un signe de réussite sociale. Et ça, hein, je le redis un peu lourdement, c'est complètement nouveau, si vous voulez. On a des exemples assez célèbres, jusqu'au 18e, d'écrivains qui ne maîtrisaient pas du tout l'orthographe. En fait, vous voyez, qui ne maîtrisaient pas du tout l'orthographe, c'était pas un problème, c'était pas du tout une honte, etc. Les imprimeurs passaient éventuellement sur leurs manuscrits, etc. On pouvait tout à fait occuper une place importante ou dans la société ou dans le monde des lettres sans maîtriser l'orthographe. Donc, c'est quelque chose qui a changé en même pas un siècle, hein, en gros des années 1830, en presque un peu plus de 50 ans. Comme on a déjà commencé à le dire, ce changement, on peut considérer que ces motivations ne sont pas des motivations linguistiques. Ça vient d'autre chose. Et évidemment, là, c'est toujours un peu pareil. Je redis toujours la même chose. On est obligé d'avoir, pour comprendre les choses, une perspective un peu interdisciplinaire. Et il faut regarder. En gros, il faut avoir aussi bien ici, je pense, une perspective historique qu'une perspective sociologique. Alors, je vais essayer de prendre les deux choses. Première chose, la perspective sociologique. La montée de l'orthographe, l'empire de l'orthographe, il s'est étendu à mesure de la montée en puissance des instituteurs. Ça, en gros, ça correspond, si vous voulez, à une sorte de prise de pouvoir, à une sorte de prise de pouvoir progressive de l'instituteur notamment dans certaines cellules villageoises, de petites villes, de petits bourgs, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer les choses de manière assez simple? Et là, je pense que vous allez comprendre un peu quel est le rapport de force. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez, en gros, l'instituteur, avec qui est-ce qu'il va avoir un rapport de force, face à qui il va devoir s'imposer? Qui est qui était la personne qui avait dans le village, qui avait le plus d'importance, au moins symbolique. Ouais, voilà. Tout se joue par rapport au curé. En gros, on peut comprendre les choses presque psychologiquement, assez simplement. On s'imagine, voilà, je pense qu'il faut se prendre les choses en très simple. Donc, vous essayez de faire votre trou dans les années 1830, dans un village, etc. Vous savez que celui qui maîtrise, qui domine un peu tout symboliquement, c'est le curé. Il faut bien que vous ayez un instrument, une sorte d'arme que le curé n'a pas. Quelle est l'arme que le curé n'a pas? C'est l'orthographe. Parce que le curé, il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'il ait été formé à l'orthographe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est intéressant du point de vue de la terminologie, il y a deux expressions que j'ai employées de manière un peu confuse, l'une à la place de l'autre, etc., à tel ou tel moment. Il va y avoir un changement qui est qu'auparavant, on parlait de maître d'école et on va donner un nouveau nom à ce maître d'école qui est celui d'instituteur. Donc, en gros, on change de désignation. Maître d'école devient instituteur. Pourquoi ? Parce que c'est censé être plus valorisant, si vous voulez. En gros, c'est toujours un petit peu pareil. Vous créez un nouveau nom pour donner davantage d'importance, etc., de lustre. Évidemment, en plus, petite remarque, et vous vous êtes peut-être déjà faite, c'est qu'on voit bien que ça change selon les époques. C'est-à-dire que, vous voyez, début du 19e, maître d'école est devenu instituteur. Et puis pour nous, il y a quelques années, il y a eu une réforme dans l'enseignement, dans les trucs de formation des maîtres, etc. On a dit à ce moment-là, ah non, instituteur, ça fait un peu trop vieux, ça fait vintage, c'est pas bien, etc. Donc, il faut donner un truc qui fasse plus technique, plus sérieux, et on va dire professeur des écoles. À chaque fois, c'est le même truc hein, dont on parle, si vous voulez, mais à chaque fois, il y a un mot qui est censé donner plus, voilà, qui est censé donner plus de valorisation ici. Alors, cet instituteur, puisqu'il est nommé comme ceci, en gros, il va s'émanciper. Il va s'émanciper, c'est-à-dire qu'il va se libérer. Il va se libérer, pourquoi ? Parce que c'est lui qui détient une nouvelle matière, si vous voulez, voilà, c'est lui qui a la nouvelle arme, la nouvelle matière. Il a des nouvelles connaissances et donc il va s'émanciper, se libérer de la tutelle du curé. Il va s'émanciper de la tutelle du curé, d'autant plus que, si vous voulez, l'orthographe va pas lui donner juste la possible, c'est pas juste, va pas juste lui donner un travail dans le cadre de l'école, mais même au-delà de l'école, c'est-à-dire que l'instituteur va pouvoir faire des travaux qui nécessitent la maîtrise de l'écrit, comme par exemple secrétaire de mairie. L'instituteur va faire aussi secrétaire de mairie, c'est-à-dire que c'est lui qui va rédiger les papiers officiels, administratifs, etc. Voilà quelque chose qu'il peut faire et que le curé ne peut pas faire. L'extension de l'empire de l'orthographe, c'est l'élévation de l'instituteur. Ça, c'est la raison qui est la raison sociologique. Et puis, il y a une autre raison qui est la raison historique un peu plus tardive et à laquelle vous avez fait référence en parlant de nationalisme, mais sur laquelle on peut revenir en voyant d'où ça part précisément. Bon, là aussi, je fais quelques rappels de choses qui sont des choses connues du point de vue de l'histoire de France, c'est qu'il y a une défaite qui va être vécue comme un véritable traumatisme, ce qui est ce qu'on appelle, c'est là où ça a eu lieu, la défaite de Sedan dans les Ardennes en 1870. Vous parliez évidemment de l'Allemagne, qu'est-ce que c'est que cette défaite ? C'est la France par rapport à ce qu'on appelait les forces prussiennes et qui perd salement, en fait, d'une certaine manière, quoi, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que, en gros, c'est une véritable humiliation. C'est une véritable humiliation parce que Napoléon III est fait prisonnier. Donc, il y a généralement un sentiment d'humiliation, d'échec, une sorte de traumatisme. Suite à cette blessure, l'enjeu, en quelque sorte, l'enjeu national, ça va être de reconstruire une sorte de fierté, si vous voulez, de reconstruire une sorte de patriotisme. On va avoir, et je rappelle juste des événements historiques sur lesquels je ne m'arrête pas, parce que, si vous voulez, je pense que vous les connaissez, et puis c'est juste à titre de repère, on va avoir un changement de système politique, c'est-à-dire que après le Second Empire, Second Empire de Napoléon III, on va proclamer la République. Mais la question qu'on peut se poser de manière consciente, ou que certains se sont posés de manière consciente et d'autres de manière inconsciente, c'est la question de savoir sur quoi est-ce qu'on va reconstruire la République. On ne peut pas, si vous voulez, il faut qu'il y ait des symboles, il faut qu'il y ait un centre, il faut qu'il y ait un cœur, on ne peut pas juste se contenter de proclamer la République, si vous voulez, sur du vent. Eh bien, c'est là où on va évidemment progressivement en arriver à notre sujet. Ce qui va être le cœur de la République, ça va être l'école. Ce qui va permettre d'asseoir la République dans les consciences, si vous voulez, ça va être l'école et évidemment l'école, la nouvelle école, c'est-à-dire l'école républicaine. nouvelle école républicaine, donc on arrive aux années 1880, ce sont les lois Jules Ferry. Ce sont les lois Jules Ferry, et alors je ne sais plus, 1801, 80, c'est en plusieurs étapes, 81, 82, mais peu importe. Il y a trois choses, l'école devient donc laïque, gratuite et obligatoire. Bon, entre parenthèses, là aussi, il ne faut pas avoir une vision trop schématique ou idyllique des choses. On a beau proclamer que l'école était obligatoire, ça n'a pas voulu dire du tout que tout le monde allait à l'école. Évidemment que dans les campagnes, si vous voulez, par exemple, on envoyait les gamins dans les champs travailler, etc. Et ça, jusqu'au XXe siècle, si vous voulez, sans aller à l'école. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. Ce qui a véritablement étendu l'utilisation de la langue française au-delà des différents parlers, dialectes, etc., à tout le monde, ce n'est pas l'école, c'est la guerre. C'est la guerre de 14-18, parce que c'est avec la guerre de 14-18 qu'il y a eu le plus gros brassage de population. Et plus vous avez du brassage de population, plus vous avez une forme d'uniformisation linguistique qui se fait. Donc vraiment, le moment de bascule, ça a été la guerre de 14-18. Et puis, évidemment, au fil du XXe siècle, les médias, la radio, la télé, etc. Mais je ne veux pas vous perdre, et je referme cette parenthèse, donc, et je reviens donc à l'école gratuite, laïque et obligatoire. Même si dans les faits, tout le monde n'est pas véritablement concerné, en réalité, néanmoins, l'essentiel, c'est toujours les mentalités, l'imaginaire, ce qu'on croit, ce qu'on pense, etc. Alors, il faut prendre les choses, si vous voulez, pour que ce soit clair, comme une sorte de série de conséquences ou d'emboîtements ou de socles, etc. Sur quoi, première étape, on vient de la voir, première étape, c'est il faut bâtir la République sur quelque chose. Sur quoi est-ce qu'on va la bâtir? On va la bâtir sur l'école. Mais autre problème, maintenant, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir bâtir l'école? Qu'est-ce qui va devenir le symbole de l'école? Eh bien, c'est là où on arrive, vous voyez, mais comme on arrive comme une sorte de conséquence ultime à l'orthographe. L'école, d'une certaine manière, va se concentrer de plus en plus sur cette question de l'orthographe. République, école, orthographe. Voilà comment ça s'est passé. Et là encore, on voit bien que c'est des choses qui sont des choses contingentes, qui dépendent de l'histoire, de la société, etc. Voilà pourquoi l'orthographe va devenir le symbole de l'identité française. Voilà pourquoi, si vous voulez, c'est dans d'autres pays et pour d'autres langues, ça ne se passe pas du tout de cette manière-là. Voilà pourquoi l'orthographe a été parmi nous sacralisée. Et à partir du moment où quelque chose est sacralisé, ben ça veut dire que quelque chose est nécessairement immobilisé. Vous voyez, si vous considérez quelque chose, c'est l'identité, c'est les racines, ce qui est parfaitement discutable, hein, puisqu'il y a les racines, c'est le 19e siècle, donc ce n'est pas si lointain que ça. En gros, pour le dire autrement, et pour que ce soit clair pour vous, on peut reformuler ça autrement en disant que l'enseignement de l'orthographe active a bloqué le processus des réformes. Et là encore, d'un point de vue psychologique, on peut le comprendre. Et là aussi, je vais essayer de... dans une sorte de jeu de rôle un peu délirant, il faut se mettre à la place de l'instituteur du XIXe siècle. L'instituteur, il a morflé, il a bossé comme un sourd pour apprendre des règles qu'il a fini par maîtriser. Vous voyez, si vous voulez, il a souffert pour passer un concours de recrutement, il maîtrise un truc qui est un truc byzantin, ultra compliqué, etc. Ben, ce qu'il a si durement acquis, l'instituteur, il ne va pas vouloir le voir remis en question. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer, c'est que, alors c'est quelque chose qui s'observe dès la seconde moitié du 19e siècle, il existe certaines propositions de réforme de l'orthographe. Il existe certaines propositions de simplification de l'orthographe, des tentatives pour rapprocher l'orthographe de la prononciation, etc. Enfin, des trucs qui sont comparables à ce qu'il y a eu en 17e, 18e siècle. Et généralement, les instituteurs ne veulent pas en entendre parler. Généralement, les instituteurs ne veulent pas en entendre parler. Généralement, les instituteurs veulent maintenir l'orthographe telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que c'est compréhensible, parce qu'ils ont véritablement souffert, si vous voulez, pour en faire, d'une certaine manière, le cœur de leur métier. Et ensuite, c'est pas juste les instituteurs. Ce qu'on peut remarquer dans la... Je m'éloigne progressivement du 19e siècle. Si vous voulez, je prends un peu des périodes historiques plus larges. Ce qu'on peut remarquer au fil du 20e siècle, c'est que de manière générale, il y a toute une part de la société qui a refusé la réforme, les réformes de l'orthographe. Toute une part de la société qui a refusé les réformes de l'orthographe. C'est-à-dire, c'est qui ? C'est d'une part, c'est les enseignants, mais ça peut être aussi les parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il y a des lettres, il y a des tribunes, etc., dès la fin du 19e siècle, de parents d'élèves ou de représentants des parents d'élèves qui, si vous voulez, qui hurlent en disant « il est hors de question de toucher à l'accord du participe passé, autrement l'école n'aura plus rien ». L'école va se casser la figure et tout va se casser la figure, etc. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et aussi les écrivains, ou certains écrivains en tout cas. Ce qui, alors là, j'insiste, un truc assez nouveau parce que justement, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'auparavant, c'est-à-dire par exemple au XVIIe ou XVIIIe siècle, et même dès le XVIe siècle, les écrivains étaient plutôt partisans de la réforme de la simplification de l'orthographe. Il y a des exemples assez célèbres, si vous voulez, d'écrivains comme Ronsard, comme Montaigne, etc., qui étaient plus du côté d'une simplification de l'orthographe. Ce qu'on remarque plutôt au fil du XXe siècle et du XXe des dernières décennies, c'est que les écrivains sont devenus beaucoup plus conservateurs qu'ils ne l'étaient. Pour revenir à un truc que j'avais déjà évoqué avec vous la dernière fois. Une fois, j'avais évoqué la dernière réforme de l'orthographe, qui est une réforme de 1990. Donc, j'y reviens, qui était même parue au journal officiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme, en 1990, elle avait fait énormément de bruit, si vous voulez. Il y avait eu vraiment des débats. En gros, encore en 1990, c'est quelque chose qui avait, j'exagère un peu, mais à peine, qui avait mis la France à feu et à sang, si vous voulez, autour de cette réforme. Il y avait des spécialistes de la langue, mais pas que, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y avait des spécialistes de la langue qui avaient travaillé donc, sur cette réforme et qui avaient proposé un certain nombre de simplifications. Qu'est-ce que c'est ? Alors, mais pas des simplifications, si vous voulez, pas des trucs énormes, hein, si vous voulez. Ça concernait certains points précis, qui sont les points précis sur lesquels, en gros, tout le monde est susceptible de faire des erreurs. Tout enseignant peut passer des heures à essayer d'expliquer les exceptions, les contre-exceptions, etc. Voilà, le côté complètement immaîtrisable de l'orthographe, c'était quoi ? C'était la question des traits d'union. Voilà, je pense que tout le monde s'est interrogé, si je vous dis couvre-tête ou couvre-chef, est-ce que vous mettez un trait d'union ou pas ? Au moment où je vous le dis, je ne sais plus. Et il y a quantité de mots sur lesquels on hésite. Que propose la commission ? D'introduire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des tolérances, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire des tolérances ? Tolérance, ça veut dire qu'il y a deux orthographes possibles. Donc, par exemple, on admettra couvre-tête avec ou sans serait avec ou sans trait d'union. Voilà, si vous voulez, un premier cas de figure. Deuxième chose, ça peut concerner les accords du participe passé. Alors, c'est quelque chose dont on parle encore, qui là aussi, je pense, pose éventuellement problème à beaucoup de monde, si vous voulez. C'est par exemple les accords du participe passé avec des verbes de type pronominaux. Ils se sont levés, ils se sont parlé, ils se sont entendus, est-ce que je mets un S ou pas? Ou encore, toujours pour les participes passés, la question de la célébrissime règle, que vous connaissez tous et toutes, je pense, de l'accord du participe passé avec le COD placé avant. Normalement, celle-là, elle doit vous, voilà, vous faire mauvais effet. Enfin, en tout cas, c'est un truc qu'on a répété et répété, j'y reviendrai peut-être. Le participe passé ne s'accorde jamais lorsqu'il est employé avec le verbe à devoir, sauf il s'accorde avec le COD quand le COD est placé avant la chemise que j'ai prise. Évidemment, si je ne vous donne pas le verbe, ça ne va pas marcher. La chemise que j'ai prise, accord au féminin, parce que le COD est placé avant. Voilà le deuxième problème. Et troisième problème, sur lequel, essentiel, sur lequel ils se sont attelés, c'est la question de l'accent circonflexe. Alors, je vais revenir rapidement, juste faire un petit topo, si vous voulez, sur cet accent circonflexe. Parce que véritablement, c'est vraiment le symbole des problèmes, de la manière dont les problèmes se cristallisent dans l'orthographe française. Les spécialistes qui ont travaillé pour la réforme font un certain nombre de remarques sur les difficultés d'emploi de l'accent circonflexe, qui sont les suivantes. Première remarque, on défend parfois l'accent circonflexe ou le maintien de l'accent circonflexe en disant que l'accent circonflexe permet de différencier certains mots entre eux. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, vous connaissez les exemples qu'on donne toujours, juste pour illustrer ça simplement. Je me suis fait une tâche sans accent circonflexe, mais j'ai une tâche à accomplir, c'est-à-dire j'ai un travail, une besogne à accomplir avec accent circonflexe. Complexe. Ce que disent ou ce qu'objectent les réformistes, les partisans de la réforme, c'est que, en fait, cette fonction-là de l'accent circonflexe, qui est ce qu'on appelle une fonction diacritique, alors diacritique, ça veut dire que ça sert à distinguer des mots. Ce qu'ils observent, c'est que cette fonction diacritique, elle est une sorte de leurre, en fait, c'est-à-dire qu'elle est pas véritablement utile. Pourquoi? Parce que entre la tâche que je me suis faite et la tâche que j'ai à accomplir, en gros, on ne peut pas confondre les mots parce que le contexte suffit. En fonction de la phrase, en fonction du sens de la phrase, on n'aura pas besoin de l'accent circonflexe pour distinguer les deux mots. C'est comme entre péché, voilà, hein, sur lequel vous avez dû hésiter comme tout le monde, entre péché, c'est-à-dire attraper des poissons, et péché, accomplir un péché, accent aigu, accent circonflexe, etc., ben, il suffit, il y a très peu de phrases, si vous voulez, où il n'y en a pas, dans lesquelles on peut confondre les deux. Voilà pour la première remarque. Deuxième remarque que font les réformistes, c'est de dire le problème de l'accent circonflexe, c'est qu'il ne note aucun son en particulier. Par exemple, on va reprendre un verbe dont on a déjà parlé, le verbe paraître. Bah, vous pouvez l'écrire avec ou sans accent circonflexe. Ça ne pose aucun problème par rapport à la transcription du son, du phonème. Troisième problème d'utilisation de l'accent circonflexe, ces emplois sont presque incohérents d'une certaine manière parce qu'on ne comprend pas, je vais prendre un exemple très simple. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, sur le mot « tête », la tête de quelqu'un, on a un accent circonflexe, alors que finalement, le son « est », c'est-à-dire le « e » ouvert, la voyelle ouverte, on pourrait la noter aussi bien, et c'est ce qu'on fait parfois, avec un accent grave. Donc, on pourrait la noter avec un accent grave, et c'est ce qui se passe parfois. Après avoir formulé toutes ces remarques, les partisans de la réforme demande quoi? Ben, ne demande pas du tout la suppression de l'accent circonflexe. C'est pas du tout l'idée que l'accent circonflexe serait frappé d'interdiction, si vous voulez. Mais ce qu'il demande, c'est encore une fois d'introduire des tolérances. C'est-à-dire le fait que pour quantité de mots, on puisse les écrire avec ou sans accent circonflexe, sans que ça constitue une faute. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, qui a une valeur anecdotique, mais amusante, c'est que il y a des études qui ont été faites sur le... Le truc qui est génial quand on commence à parler de ça, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur vraiment tout et n'importe quoi. Mais il y a des études qui ont été faites sur la maîtrise de l'accent circonflexe chez les étudiants. Alors, comment est-ce qu'on fait une étude sur la maîtrise de l'accent circonflexe? C'est qu'on relève des milliers de copies et on essaye de voir comment est-ce que l'accent circonflexe, de copies d'examen d'étudiants, je crois qu'il y a déjà un moment, une dizaine d'années que ça avait été fait, comment est-ce que l'accent circonflexe est utilisé? Et ce dont on s'est rendu compte, à mon avis, on aurait pu s'en rendre compte sans études, parce que tout le monde a déjà fait ça, c'est que les étudiants, en général, ont une technique pour, lorsqu'ils s'interrogent sur est-ce que je mets un accent circonflexe et, ou un accent grave, est-ce que vous la pratiquez cette technique? Normalement, vous devriez. On fait une petite barre qui peut être confondue. Voilà, exactement. C'est ce que les linguistes appellent l'accent plat, en fait. Qu'on fait tous et toutes lorsqu'on hésite, c'est, vous voyez, cette espèce de barre où on ne peut pas être sanctionné parce que ça a l'air aussi bien d'un accent circonflexe. Ça peut ressembler à un accent circonflexe, mais ça peut aussi ressembler à un accent. Bon, ce qui prouve que le truc est de progressivement de moins en moins maîtrisé. Alors, donc, les partisans de cette réforme, proposent donc cette tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un certain nombre de réactions extrêmement violentes à la réforme, à la proposition de réforme. Je vais vous donner trois exemples de réactions par rapport à ça. La première réaction, c'est certaines pétitions qui ont été faites, pétitions notamment à l'époque d'écrivains. Et alors, je vous lis juste rapidement un extrait de cette pétition d'écrivains. La langue française n'appartient à personne. La forme écrite n'est pas seulement une notation, elle est une partie essentielle de notre langue, c'est-à-dire de notre patrimoine et de notre vie. Je répète, la forme écrite est une partie essentielle de notre patrimoine et de notre vie. Vous voyez, vous avez donc une sorte, là encore, de sanctification de l'orthographe, d'essentialisation de l'orthographe, qui devient constitutive non seulement de notre patrimoine, mais de notre existence. Donc, on est vraiment dans le stade, si vous voulez, le supérieur, le plus important de la sacralisation de l'orthographe. Oui. C'est une pétition contre le laxisme, entre guillemets, concernant l'orthographe. Voilà. En gros, si on dit les choses de manière neutre, ce sera souplesse. Mais parce que effectivement, c'est une sorte de laxisme, mais de laxisme destructeur, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, vous savez de qui c'est, de quand ça date? Si vous voulez, j'ai pas repris les références exactes. C'est d'écrivain. Alors, en gros, là où il faudrait pas, si vous voulez, caricaturer. Par exemple, c'est pas du tout. Il y a pas de bord politique. C'est-à-dire, c'est pas forcément. D'écrivains de droite ou proche de l'académie ou ceci, ça peut être aussi parce que si vous voulez, c'est une sorte de conservatisme et linguistique. À mon avis, vous pouvez le trouver en cherchant pétition, et je l'ai trouvé, ou je chercherai si vous voulez, pétition écrivain réforme 1990. Je retrouverai le texte sûrement. Sur le contexte, c'est 1990, enfin, dans ces années. Quoi, 1990, c'est suite à cette réforme de 1990. Okay. Réforme qui n'a jamais eu vraiment d'incidence sur rien. Donc, premier exemple, c'est celui-là, la position des écrivains. Deuxième exemple, peut-être encore plus surprenant, c'est l'intervention à l'époque du président de la République. Donc, effectivement, il s'agissait de Mitterrand. Alors, le truc surprenant, pas sur la paternité de Mitterrand, mais sur l'accent circonflexe, c'est quand même que le président de la République est participé aux commissions, si vous voulez, de réforme de l'orthographe. Pourquoi? Parce qu'on comprend, vous voyez, il y a quand même un truc qui est quand même curieux, c'est qu'on voit bien que l'orthographe devient une sorte d'affaire d'État, puisque le président s'en mêle. Et ce qui montre encore plus que c'est une affaire d'État, c'est une phrase mémorable de François Mitterrand au sortir d'une des réunions. Et là, phrase qu'il avait dite très officiellement au micro des journalistes, qui était, je vous la donne là, « J'ai sauvé quelques accents ». J'ai sauvé quelques accents, François Mitterrand, ce qui prouve bien, si vous voulez, que vous avez, voilà, le défenseur, le président, le défenseur du patrimoine français qui accomplit, la sauvegarde, le sauvetage de l'accent circonflexe. Troisième, je vais parler de choses très, très précises, mais d'une autre époque, hein, vraiment, de vieux. Troisième exemple, après les écrivains, après le président, celui qui était une figure à l'époque médiatique assez fameuse, est-ce que ça vous dit quelque chose, Bernard Pivot? Vous avez moins d'excuses parce que c'est actuel. J'allais vous dire, c'était le François Bunel de l'époque, mais donc mon analogie elle tombe à l'eau parce que voilà quoi. Donc c'était en gros le spécialiste médiatique de la littérature qui avait une émission littéraire, et Bernard Pivot s'était affronté à cette réforme de l'orthographe, notamment du point de vue des accents circonflexes, et notamment en raison de la valeur esthétique des accents circonflexes. On retrouve quelque chose dont on a déjà parlé avec Victor Hugo. Par exemple, le fait qu'il fallait... Donc, je reformule un argument de Bernard Pivot. Le fait qu'il fallait absolument conserver l'accent circonflexe sur le mot « île », une île. Est-ce que vous voyez pourquoi il est essentiel, d'un point de vue plastique, de conserver l'accent circonflexe sur le mot « île » ? Repensez à l'H du fauteuil. Le chapeau, c'est comme une île, en fait, finalement. Oui, ou c'est comme un haut de palmier. Vous avez une drôle de manière de faire l'île, quoi, en fait. Ah ouais, non, mais c'est un parasol de la mer. Oui, ça pourrait, je rigole. Moi, ça me fait penser plus à le haut du palmier avec le i qui fait le tronc. Aussi. Enfin, ouais, non, mais pourquoi pas. Avec un palmier. Pourquoi pas, effectivement. J'ai cru que vous alliez me dire le chapeau. Mais non, mais pourquoi pas. Pour Bernard Pivot, c'était essentiel, puisque l'idée de l'île était associée immanquablement à l'idée de la mouette. Et donc, vous voyez, la mouette stylisée à l'horizon, si vous voulez, qui serait symbolisée par l'accent circonflexe sur le « i ». Ou encore, je prends un autre exemple, qui est l'accent circonflexe sur le « u » de « voûte ». Alors là, c'est gagné, ça tombe trop bien. Voilà, on a déjà notre voûte, si vous voulez, sur la forme du mot, etc. Bon, voilà. Donc, vous voyez, l'idée qu'il y aurait une sorte de... Voilà, encore une fois, on retombe sur l'idée d'une sorte de valeur idéogrammatique de l'accent circonflexe, l'idée d'une sorte d'ennoblissement, si vous voulez, de la langue ou de certains mots avec l'accent circonflexe. Exemple d'un mot qui avait été évoqué dans les débats, le mot « âme », une âme. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'était que la noblesse, l'élévation de l'âme, on la sentait plus avec l'accent circonflexe. Ce qui marche aussi, vous le remarquerez, avec l'âne, aussi exactement de la même manière. Bon, pourquoi est-ce que au-delà de la valeur anecdotique, pourquoi est-ce que j'ai relevé tous ces exemples-là? Ben, encore une fois, pour arriver jusqu'à notre époque et pour essayer de comprendre un truc, il y a un truc qu'on sait bien, si vous voulez, mais qu'il faut expliquer en revenant en arrière, c'est que l'orthographe du français est une orthographe fondamentalement conservatrice. Est une orthographe fondamentalement conservatrice et que sans doute, c'est les... valeur conservatrice de l'orthographe, et c'est cette valeur-là, conservatrice, qui explique certaines et sans doute difficultés dans la maîtrise aujourd'hui de l'orthographe. Toujours sur des questions d'orthographe, je vais vous poser, je vais vous dicter une phrase, et puis ça sera à vous de voir comment est-ce qu'elle s'écrit, de justifier l'orthographe que vous avez choisi. Et vous avez jusqu'à la limite, le truc qui Non, mais sans rire, intéressant, c'est aussi de poser la question autour de vous. Voilà, de voir si éventuellement les différentes formes de réponse que vous pouvez avoir, ou pas de réponse, ou un refus absolu de réfléchir à une question pareille, que vous pourrez avoir. Voilà ma phrase. C'est un bout de phrase. Les efforts que ça a coûté. Vous voyez, vous percevez où est le problème. Donc voilà, essayez voilà, d'y réfléchir pour la semaine prochaine, donc de trouver la bonne terminaison, qui est déjà problématique, et de justifier la terminaison que vous aviez choisie. Il y a un mot, normalement, si vous voulez, je vous dis les choses à moitié, mais je pense que c'est quand même, vous le voyez, le problème se concentre sur la terminaison d'un mot, sur la manière dont vous écrivez la fin d'un mot. Donc, il va falloir essayer de statuer pour une terminaison et de justifier cette terminaison.